de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Solène. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, je suis créatrice métier d'art. Je travaille différents matériaux. Depuis maintenant 3 ans, j'ai créé mon entreprise en janvier 2020. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de la créer, votre entreprise ? J'ai, pendant un moment, fait de la création uniquement dans le travail du verre au chalumeau, verre à la flamme, sans être déclaré et sans avoir d'entreprise. Et suite à quoi j'ai fait une formation et là je me suis dit qu'il était temps de créer mon entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession ? Oui, alors moi je suis créatrice d'objets précieux, d'ornements et d'usages. Dans la nomenclature de l'Institut National des Métiers d'Art, je me qualifie plutôt comme sculpteur sur métal maintenant, parce que ça comprend beaucoup de choses et de techniques variées, et que c'est vraiment le matériau principal que je travaille maintenant, les métaux, donc cuivre et laiton. Mm-hmm. Et à côté de ça, j'ai aussi toujours ce travail de verre à la flamme, qui me sert plus d'ornement pour mes créations maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Je pense que avant de me plaire, ça a été une espèce de nécessité pour moi de travailler la matière. Il y a quelque chose d'un peu thérapeutique quelque part, mais ce que j'aime le plus, c'est pouvoir ou en tout cas essayer de faire du beau et de pouvoir donner et une émotion à procurer une émotion à quelqu'un quand elle voit une de mes réalisations. Et qu'est-ce qui vous inspire pour vos créations ? J'ai des inspirations assez variées, par exemple les arts plutôt ancestraux, tribaux, maya, aztèques, j'aime beaucoup l'art africain aussi, l'Asie, l'Afrique, l'art océanien. Ça se retrouve un peu dans tout mon travail de motif. Et puis, y a aussi toutes les choses que je vois. Je pense qu'on s'inspire un peu de tout ce qu'on observe et des autres, forcément. Mmh. Et y a quoi comme exemple de motif que vous faites ? Alors, quand je parle de motif, je parle surtout de gravure. Je fais de la gravure eau forte depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est une technique qui fait partie des techniques de l'estampe. On va recouvrir notre plaque de métal d'un vernis qu'on va laisser sécher. Et ensuite, on va gratter le vernis avec une pointe de gravure pour créer un motif. Une fois le motif terminé dans le vernis, on va plonger notre plaque dans l'acide nitrique. Et donc, le motif va être creusé par l'acide. Et donc voilà, c'est ces motifs-là qui sont assez inspirés de ces arts un peu ethniques en fait. D'accord. Donc je suppose que vous travaillez avec la tenue de sécurité, avec les gants, etc. Ah oui, là il vaut mieux quand on manipule des produits comme ça, c'est plus prudent, c'est sûr. Quelle qualité faudra avoir selon vous pour faire votre profession ? De la patience, de la dextérité ? Alors oui, bien sûr, ces deux points sont essentiels, mais en fait, énormément de gens qui ne sont pas dans ces domaines-là ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a d'autre que le travail dans l'atelier purement créatif. En fait, il faut être très polyvalent et avoir du courage aussi, parce que voilà, on va faire notre communication nous-mêmes. Des fois, tout ce qui est support photographique, pareil. Il y a tout cet aspect de communication, de savoir ou d'essayer de parler de son travail. Et puis, tout ce qui est gestion, en fait, hein, administrative, financière. Je pense qu'il faut être assez organisé et avoir conscience de ça, que c'est pas toujours facile, quoi. C'est des métiers qui qui peuvent être très plaisants, mais qui peuvent être difficiles aussi, comme tout, bien sûr. Puis il faut savoir se renouveler aussi, parce que si vous faites tout le temps la même chose, les gens vont pas forcément venir vous voir aussi. C'est sûr que ça aussi, on est en recherche constante. Bon, après, c'est aussi vraiment l'aspect intéressant, je pense, de nos métiers, de pouvoir se renouveler tout le temps, de toujours créer de nouvelles choses. Donc, c'est un aspect positif, mais oui, qui demande toujours un travail de recherche et de se pousser soi-même et de pas s'installer dans un espèce de confort à toujours réaliser des choses très très semblables. Vous avez fait récemment une formation en dinanderie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'était en mars 2021, j'étais en stage pendant une semaine chez Christophe Desvallées, qui est un maître en la matière, hein, vraiment très bon pédagogue et très... et qui a une technique absolument incroyable. Donc en fait, la dinanderie, qui est son vraiment la technique que lui emploie uniquement, consiste à partir d'une feuille, une plaque métallique, cuivre ou laiton, ou étain ou acier, et de la mettre en volume, de créer un volume juste avec un travail de martelage, repoussage, rétreinte ou étirage. Donc au marteau, toujours avec différents marteaux, ce qu'on appelle des tas, dont on se sert aussi en carrosserie. J'ai vu aussi via votre site internet que votre grand-père était sculpteur, peintre et dessinateur, beaucoup de casquettes donc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Il faisait quoi ? Alors oui, donc mon grand-père avait paternel avait tout cet aspect-là de travail de création, très très bon dessinateur. Mais il était également enseignant d'art plastique en lycée. Je ne l'ai pas connu malheureusement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a transmis à mon père, qui lui-même est peintre et graveur, qui ensuite m'a aussi transmis beaucoup de choses. Mais je sais pas si on peut parler de famille d'artistes comme beaucoup de gens le pensent ou aiment l'entendre, mais oui, ça a sûrement eu un impact, en tout cas sur ce que mon père m'a ensuite transmis. Une transmission de créativité par le fait. C'est ça, de créativité, mais aussi de culture, en fait. De culture des grands peintres, des passions pour les arts africains aussi. Mon grand-père aimait beaucoup les arts africains, je le sais. Et donc, en sculpture, ça se retrouvait pas mal dans ce qu'il faisait. Il travaillait aussi les métaux. La céramique, il a fait énormément de choses. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de votre atelier. À tout de suite sur Radio Gemozo. There is superstition. position as well. Nous sommes de retour avec Solène sur les ondes de RGM. Vous venez d'écouter Stevie Wonder avec son titre Superstition. Solène, c'est quoi l'atelier de Salem ? L'atelier de Salem, c'est mon entreprise que j'ai créée en janvier 2020. Donc je suis chef d'entreprise en auto-entreprise. Je travaille seule, j'ai pas d'employé. Avec cette entreprise, je fais des expositions, des salons métiers d'art pour présenter mon travail de création. J'ai vu que vous créez des bijoux, mais vous faites quoi comme bijoux ? Alors en fait, le bijou, c'est quelque chose qui est en train de... Enfin, qui est de moins en moins présent dans tout ce que je fais. Je continue à faire du bijou plutôt... à partir de perles de verre que je réalise au chalumeau et de métal, surtout du laiton, que je travaille en volume ou à plat, que je vais graver ou laquer. Mais c'est vrai que c'est un aspect que je développe de moins en moins dans mon travail. Je vais de plus en plus vers l'objet d'ornement, le panneau d'ornement, l'objet mural et les sculptures. Vous parlez de technique de verre au chalumeau, qu'est-ce que c'est ? Alors le verre à la flamme ou verre au chalumeau, ça peut permettre de réaliser des flacons, des perles ou des sculptures en travaillant des tubes ou des baguettes de verre. Donc moi, ma matière première se présente majoritairement sous forme de baguettes pleines en verre que j'achète sous cette forme-là, qui ont déjà leur couleur et leur opacité ou leur transparence. Et donc, en fait, avec un chalumeau de verrier, donc qui est un chalumeau fixe, on va venir étirer, tourner ou masser, donc faire revenir la masse sur elle-même, le verre en fusion. On peut aussi faire du soufflage au chalumeau. Et donc, pour donner une forme précise, grâce à la pesanteur et à la force cinétique aussi. C'est quoi la forme cinétique ? Alors en fait, la force cinétique, ça va être le fait de faire un mouvement de centrifuge en tournant très très vite. On travaille sur ce qu'on appelle un mandrin. Donc c'est une tige métallique sur laquelle on va, sur une partie, déposer ce qu'on appelle du séparateur qui permettra ensuite que le verre et le métal ne fusionnent pas. Et donc on va venir déposer dessus notre verre en fusion pour avoir une perle ou une masse. Et en fait, si on fait un mouvement de rotation très rapide, la forme va avoir tendance à s'étirer, la force centrifuge. Et si le verre et le métal ils fusionnent, ça donne quoi ? En fait, les températures de refroidissement du verre et du métal ne sont pas les mêmes, et donc ça va créer un choc thermique pour le verre qui va casser en fait. J'ai vu que vous utilisiez aussi du laiton et du cuivre, vous faites quoi avec ça ? Alors le laiton et le cuivre, je les travaille selon des techniques traditionnelles de bijouterie, mais j'ai aussi associé d'autres techniques depuis un moment maintenant, dont la dinanderie. Et donc la dinanderie, ça va être vraiment pour une mise en volume d'une plaque de métal que j'aurais découpée au préalable à la main, à la scie, au boc fil plus précisément, qu'on utilise en bijouterie aussi. Et il y a aussi le travail de la gravure, ce qu'on appelle l'eau-forte, qui est une technique d'estampe à la base, donc pour faire du tirage sur papier. Mais moi, c'est la plaque métallique qui m'intéresse. Et donc, voilà, une gravure à l'acide, la dinanderie, et puis les techniques de bijouterie, donc la brasure à l'argent, les découpages, les associations de différentes chaînes... Pourquoi vous utilisiez le verre, le laiton et le cuivre particulièrement ? Pourquoi ces matériaux-là ? En fait, au bout de quelques années que je ne travaillais que le verre au chalumeau, je me suis sentie un peu limitée dans ma création. J'avais besoin d'un autre support, justement pour ce travail de motif particulièrement, mais aussi de mise en valeur en fait de mes perles, parce que c'est ce que je fais surtout en verre. Et donc le métal, c'était assez évident pour moi. C'est un matériau qui m'attire, qui a un aspect peut-être froid, mais vivant quand même et précieux. Le cuivre et le laiton, tout particulièrement pour leur couleur et aussi leur souplesse en fait pour le travail. Et le laiton, c'est un peu comme rouge ou brun, je sais plus trop la couleur. Le cuivre est rouge, et en fait, le laiton est un alliage de cuivre et d'étain, qui est jaune, mais qui n'a pas la même couleur que l'or, qui est moins clinquant, on va dire. C'est des matières assez épaisses, non, à travailler? On peut avoir des choses très très fines. Les plaques qu'on peut avoir, ça peut être du 1/10, donc vraiment ça se tord à la main. Mais moi j'ai plutôt tendance à travailler du 5/10 ou 6. Enfin voilà, ça va dépendre en fait de la pièce qu'on fait. Comment est-ce que vous choisissez la taille de vos créations pour une coupelle par exemple ou autre ? C'est assez spontané, je dirais. Je fais des fois des projets papier, des dessins avant de faire une pièce, mais pas toujours. Des fois, c'est assez sur le coup, sur le moment que je vais définir ça. Et des fois, au fur et à mesure aussi, on réajuste, on réadapte la taille. J'ai tendance à travailler quand même de manière assez immédiate. Comment est-ce que vous mettez en couleur vos créations ? Alors la couleur, j'ai ce travail de couleur dans le vert, avec le vert, qui pour moi apporte toujours, enfin à ce but-là aussi maintenant, d'apporter de la couleur à une création en métal. Et il y a aussi, depuis quelques temps, je travaille la laque, une laque bien particulière qu'on appelle le berlac. Et donc là, je vais m'en servir souvent... Après avoir fait un travail de gravure, je vais remplir en fait le creux de ma gravure avec cette laque. J'utilise des couleurs assez variées. Et donc ensuite on ponce l'excédent et il reste le motif gravé et la couleur en plus, comme ça se rapproche un peu d'un émail en fait. J'ai vu que vous créez aussi des objets luxueux, ça veut dire quoi ? Alors... Oui, objets luxueux, parce que c'est des objets sur lesquels il y a énormément de travail, en termes de temps, en termes de réflexion. Ça rapporte aussi à une certaine dimension, bon, qui peut être très variable, hein, mais voilà, ça va être vraiment des objets très travaillés, très poussés, et sans se mentir, destinés à une clientèle qui aura les moyens. Est-ce que vous avez toujours fait ça, ou est-ce que vous êtes diversifié avec le temps ? L'objet luxueux, ou en tout cas objet précieux, c'est plus récent dans mon travail. Vraiment, j'ai commencé par le bijou. Je ne faisais quasiment que ça au départ, mais assez rapidement, je suis allée vers l'objet et ça évolue encore beaucoup. Pareil, le petit objet précieux utilitaire, c'est récent. Donc, par exemple, De plus en plus, j'ai envie d'aller vers des choses comme des soliflores, des coupes papier, des choses comme ça. C'est quoi des soliflores ? Un soliflore, c'est pour une fleur unique, en fait. C'est un petit vase, mais qui a toujours un aspect très précieux. Combien de temps est-ce que vous avez mis en moyenne pour faire une sculpture boîte murale amulette de chance ou une sculpture boîte amulette de prospérité ? Alors, ces deux pièces-là, c'est des pièces bien précises que je n'ai faites qu'une fois. J'ai passé beaucoup de temps sur ces pièces-là, qui étaient destinées à une exposition qui avait lieu à l'Écomusée d'Alsace, dont le thème était ex voto, les objets magiques, d'où les boîtes amulettes. J'ai du mal à quantifier en termes d'heures mes créations, parce que souvent je bascule d'un plan de travail à un autre, donc j'ai un établi pour le verre, un établi pour le métal et la bijouterie. Je saurais pas vous dire en termes d'heures, et puis c'est des pièces que j'ai déjà réalisées il y a quelques temps, mais oui, c'est très long, mais voilà, je commence rarement une pièce pour la finir dans la foulée. Je travaille souvent en simultané sur plusieurs choses différentes. Puis comme on dit, quand on est passionné, quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Il vaut mieux pas, en tout cas. Comment est-ce que vous choisissez le nom de vos créations ? C'est souvent un exercice très difficile pour moi. D'ailleurs, toutes mes pièces n'ont pas de titre. Mais souvent, ça va être en rapport à ce qu'elles m'évoquent une fois fini, ou ce que j'ai envie qu'elles évoquent à la personne qui la voit. Oui, c'est souvent très difficile pour moi. Je crois qu'il ne m'est jamais arrivé d'avoir le titre avant de faire la pièce. C'est toujours une fois la pièce finie que je peux trouver quelque chose d'adapté. Qu'est-ce qui vous inspire pour faire vos créations ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a donc tout ce qui est art ancestraux et un peu tribaux, mais il y a aussi la nature qui a une très grande importance pour moi, que ce soit en termes de couleurs, d'équilibre et de diversité aussi, parce que bah, par exemple, il y a 2 ans, j'ai participé à une exposition Trésor qui a eu lieu à Strasbourg, dont le thème était microcosme et son environnement. Et donc, j'ai travaillé en collaboration avec ma maman pour faire une série d'objets, de petits objets sculpturaux. Et en fait, on a travaillé d'après les insectes, et ça me fascine en termes de couleurs, de motifs. On peut tout trouver finalement dans la nature, je pense. Et donc, c'est très riche pour les idées, les inspirations. Est-ce que vous aimez travailler dans le silence, ou est-ce que vous êtes cette artiste qui aime bien travailler dans le bruit, elle s'inspire des musiques, etc. Ça va vraiment dépendre pour moi de ce que je suis en train de faire. Et aussi de mon état au moment. C'est vrai que pour des choses très minutieuses et précises, et où j'ai besoin de beaucoup de concentration, je vais plutôt travailler dans le calme et voire sans bruit. Pour d'autres choses plus physiques ou j'ai besoin de m'évader, par exemple pour le travail de motif, souvent j'ai plutôt tendance à mettre de la musique pour me faire porter par la musique, puisque je travaille de manière un peu spontanée, un peu automatique, donc plutôt en musique pour ces choses-là. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec M et la bande originale du film Django Unchained, et on se retrouvera juste après sur le 107. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre, onde sensuelle. me donne des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Sens si romantique m'ont troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes. Je te rends un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discover, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it. Thing I hate. It's a push for moving on. Whoa. going down. The sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and I found it, cost me everything I had. Oh, I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and I found it, may you take everything I have. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107 Radio Line ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Solène ? Oui, bien sûr. Alors, pour le premier titre, Superstition de Stevie Wonder, au-delà de l'aspect purement musical que j'adore, c'est les paroles me parlent aussi parce que je pense que on a tous des croyances et donc des formes de superstition des fois assez infondées et dont il faudrait un peu qu'on se sépare, comme il dit, la superstition n'est pas le chemin à emprunter. Et voilà pour celle-ci. Pour M, Onde Sensuelle, c'est mon père qui m'a fait découvrir Mathieu Chédid. J'écoute ça depuis que je suis enfant et cet album-là, c'est vraiment un de mes préférés. Peut-être même plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis cette chanson particulièrement parce que ça parle d'amour et des difficultés que ça peut qu'on peut y trouver. Et pour Freedom, c'est donc la BO de Django Unchained. Déjà, j'adore la voix de ces deux chanteurs et elle parle cette chanson parle de la quête de liberté. Alors peut-être par rapport au film, c'est par rapport à l'esclavage, mais je pense qu'on est tous un peu en quête de liberté, et moi, toujours beaucoup dans mon travail aussi. Comment est-ce que vous êtes fait connaître auprès du grand public ? Alors, je ne sais pas si je suis déjà très connue, mais bah, c'est beaucoup de temps, et en fait, il faut... montrer un maximum son travail sur des événements, des expositions, des salons, et communiquer aussi un maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des journaux. Comment vous êtes établi un réseau de contacts de la même manière, du coup ? Oui, c'est ça, vraiment, à force d'expositions, de portes ouvertes aussi, que je fais en commun chez mes parents, aussi avec ma maman. Et bon, j'ai cet avantage-là aussi de bénéficier de leur réseau à eux, puisque eux-mêmes sont dans ces domaines-là. Donc, mais voilà, je commence à avoir une clientèle aussi que je rencontre sur les différents événements que je fais. Il y a le bouche à oreille aussi qui fonctionne aussi, bien. Aussi, oui, bien sûr, ça a une importance énorme, oui. Vous disiez que vous avez participé à différents événements, comme quoi du coup ? J'ai participé, la dernière, les dernières dates, donc c'était, j'ai participé au salon Cousu de fil rouge en novembre dernier, qui a lieu à Thaon-les-Vosges, et donc j'étais cette année dans une partie qui est destinée plutôt à d'autres techniques que celles purement textiles, qui étaient très très bien. J'ai aussi participé à plusieurs expositions l'année dernière. Enfin, voilà, c'est toujours toujours des événements métiers d'art. Donc, y avait aussi l'exposition Trésor, dont je vous parlais avant, qui a eu lieu 2 années d'affilée, qui est organisée par la FREMA, la Fédération des métiers d'art d'Alsace, qui organise d'ailleurs beaucoup d'événements, expositions et autres, auxquels je participe souvent. Et je suis membre aussi depuis un mois tout juste, membre officiel de la FREMA. Voilà. D'accord. Ensuite, oui, il y a des expositions en galerie. Et là, en décembre dernier, il y avait aussi, j'ai participé à la boutique Oz. Oz, c'est un événement qui existe depuis plusieurs années à Strasbourg, pendant la période du marché de Noël, et qui est le marché de Noël des métiers d'art, en fait. Mm-hmm. Donc c'est dans la salle de l'Aubette, qui est très belle, qui est en plein centre-ville de Strasbourg. Est-ce que certains organisateurs vous ont contacté pour participer à des manifestations ou est-ce que c'est vous qui avez fait une demande pour exposer vos créations ? Ça dépend des fois. Oui, de plus en plus. Maintenant, j'ai des propositions pour participer à des expositions. Malheureusement, je ne peux pas tout faire. Donc des fois, je me vois obligée de refuser certaines choses ou bien quand elles ne sont pas tout à fait adaptées au type de création que je fais maintenant. C'est assez difficile de sélectionner toujours les bons événements parce que voilà, c'est toujours du temps passé hors de l'atelier à ne pas faire, à ne pas produire. Mm-hmm. Et bon, voilà, on espère souvent quand on expose sur un lieu où on peut vendre qu'il y aura des ventes, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, faut aussi être un peu précis dans son choix de type de d'événements auxquels on participe. Est-ce que vous avez des partenaires ? Non, pas pour l'instant, à part mes parents, avec qui on est vraiment en collaboration avec ma maman et avec qui on envisage de peut-être créer une structure indépendante de nos entités à chacune, donc vraiment une structure commune, enfin voilà, c'est en projet. Et c'est quoi l'actualité de l'atelier de Salem ? Vous avez prévu quoi ? Alors là, le prochain événement qui a lieu, c'est le 30 mars. En fait, il y a un vernissage d'ouverture d'un nouveau lieu que des amis à moi, donc Charlotte Genevaux et son compagnon Benoît Collin, créent chez eux. Donc en fait, ça va être un lieu boutique-galerie, et donc voilà, ça sera le Pantographe. Et voilà, donc il y aura ce vernissage d'ouverture, d'inauguration de ce lieu. C'est Autoli, en face de la ferme du bien-être. Et donc Charlotte exposera 12 créateurs pendant une petite période dont je ferai partie et qui sont dans toutes sortes de domaines métiers d'art, donc le bois, le métal, le papier, le verre, la céramique, le textile et un artiste peintre aussi. D'accord. Et après ça, il y a les journées européennes des métiers d'art qui ont lieu du 31 mars au 2 avril. Donc là, cette année, je les ferai chez mes parents dans les ateliers à Gris. Donc c'est en Alsace, dans le 67. Et ça se passera dans l'atelier de mon papa. Avec ma maman aussi. C'est bien de travailler en famille. Ah oui, c'est super, ouais. Ça a des aspects, ça nous pousse tous les trois. Aller toujours plus loin. Hormis le projet d'avoir une structure pour faire vos créations, est-ce que vous avez d'autres projets avec l'atelier de Salem ou pas ? En fait, oui, j'ai pour projet aussi de créer de petites collections bijoux, objets, mais un peu plus accessible peut-être que des pièces très haut de gamme et très précieuses. Voilà, il y a cet aspect-là que pareil, je suis en train de développer et qui arrivera prochainement. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai une page Instagram au nom de l'atelier de Salem. J'ai également mon site Internet. L'atelier de Salem tout attaché. J'ai également une page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'atelier de Salem ? Écoutez, j'espère de la réussite et puis d'essayer et de continuer à essayer de créer de belles choses, si je peux dire. La joie et du bonheur aussi. Aussi, bien sûr. Cette émission est maintenant terminée. Solène, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez de nouveau nous voir, parce que je sais que vous êtes déjà venue une fois avec Chris, je crois. Oui, bah avec très grand plaisir, écoutez. Jamais 203, comme dit le dicton. Non, c'est ça. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.